Comment les enfants apprennent-ils? Прослушайте текст и скажите, о чем спрашивала дочь отца и смог ли он ей помочь. C'est le soir. Marguerite fait ses devoirs et révise la géographie. Demain, elle va passer un examen important. Son père lit le journal, assis dans son fauteuil. « Papa, dit-elle timidement, puis-je te poser quelques questions? Je veux réussir mon examen de géographie. »« Bien sûr, que veux-tu savoir ? » dit-il en posant son journal. « Kinshasa est la capitale de quel pays ?»« Le Congo, répond le père. »« Non, papa. Dis-moi le nouveau nom du pays. » « Je ne m'en souviens plus, je suis désolé. »« Papa, qu'est-ce que c'est qu'un okapi ?»« Ça, je sais. Je n'arrive pas à me rappeler. Ça ne vient pas. »« Papa, qu'est-ce que c'est que le katanga ?»« Le katanga, je crois que c'est un animal. » Marguerite se tait, fatiguée de poser des questions sans avoir de réponse correcte. Son père croit que quelque chose ne va pas. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?»« Rien, papa. »« Plus de questions ? As-tu fini tes devoirs, ma petite ?» « J'ai beaucoup de questions, papa, mais je ne veux pas t'embêter. Je ne devrais pas te déranger quand tu veux te reposer. » Le père laisse tomber son journal et dit « Ne sois pas bébête. N'aie pas peur de me poser des questions. Aie confiance en moi. Eh bien, si tu ne me poses pas de questions, comment vas-tu apprendre ?»